dont la sécurité des plus petits se manège équipés de ceintures de sécurité. En Martin, en McQueen, en bateau, champignon, en moto, on vous attend pour la Twisted Cup. Compris que finalement j'étais comme eux, que j'avais pas besoin de grand désert. Attention au départ. Ne restez pas sur la piste, s'il vous plaît. Allez-y les petits chauffeurs, on vous attend pour un prochain tour, un prochain départ. Attention au départ. Ne restez pas sur la piste, s'il vous plaît.